Selon nos sources à CJSO et à Médias en direct, il semble de plus en plus qu'on va annoncer entre le 14 mai et le 10 juin, Berlin s'amène comme 7e concession, Roberval comme 8e concession. Donc, c'est à surveiller et ça donnerait, et c'est mon scénario, mais ça peut l'être aussi à la Ligue sur papier. Ce que vous venez d'entendre, ça se passait entre la première et la deuxième période. J'ai dit, tiens, je vais aller écouter un petit peu le match de la Ligue nord-américaine de hockey, voir ce que Gilles Péloquin a à dire, comment c'est rendu. Et là, soudainement, il sort une bombe, que Roberval, d'ici un mois, ce serait annoncé dans la Ligue nord-américaine de hockey. J'en ai tombé sur le derrière. On va parler avec celui qui a annoncé cette nouvelle entre la première et la deuxième période de CJSO. Gilles Péloquin, salut Gilles. Bonjour, Danny. Mesdames, messieurs, au départ, Danny Veilleux rêve depuis samedi de me faire dire le contraire. Ouais. Danny Veilleux n'en dort même pas. Mais une chose qui est importante à vous dire, c'est que moi, samedi, en faisant le voyage avec Alain Fortier de l'Estrie vers Rivière-du-Loup, qui est 4h30 de route, on a parlé de bien des choses des dernières semaines, de tout ce que l'on sait et qui navigue dans la Ligue nord-américaine. Donc, j'ai dit d'entrée de jeu, dans l'avant-match, aux auditeurs de la radio et de la télé sur le web, après la première période, je vais vous exposer un plan. Mon point de vue, comment je vois la survie de la Ligue nord-américaine pour l'an prochain. C'est un plan, je ne suis pas dans le secret des dieux, on tente de trouver des informations, on travaille nos informations, on a des téléphones à gauche et à droite, on a des propriétaires plus ouverts, on a des propriétaires plus fermés, on essaie de trouver la bonne réponse. Et ce que je perçois, c'est que en même temps qu'on travaille très fort à savoir ce qui arrive de Trois-Rivières, est-ce qu'on remet les clés? Ouais. Est-ce qu'il y a un autre acheteur potentiel? Est-ce que cette équipe s'en va sur la rive sud de Montréal? Est-ce qu'on va tout simplement la fermer? Le commissaire, lui, Richard Martel, avait un mandat et c'était d'aller chercher de nouvelles concessions. À travers les semaines, on a appris que Saint-Roch-de-Lachigan, ça ne fonctionnait plus dans le coin de Laval-Joliette. On sait que ça ne fonctionnait plus l'ancienne Lorette non plus. Mais Richard Martel a dit au cours de la dernière semaine, par écrit, par radio, par conversation, et notamment à RDS, vendredi dernier, avant le match au Colisée Cardin, qui était le match numéro 1, il a été invité par RDS et Yannick Lévesque à s'y présenter pour une entrevue. Et Yannick Lévesque m'a dit, après la deuxième période, en entrevue avec moi à la radio de Sorel, le commissaire me mentionne qu'il y a 5 hommes d'affaires de Grand Bay dans la salle ce soir pour regarder ce match. Ça sent bon. Puis en même temps, c'est presque fait à 90% pour Roberval et Berlin. Connaissant l'expertise de Yannick Lévesque, qui a déjà été comme moi, un propriétaire d'équipe, lui qui a aussi dirigé et qui est à RDS et une sommité, ça va passer en passant mercredi soir le 2 mai à 19h30, cette entrevue de la Ligue nord-américaine sur RDS avec Yannick Lévesque. Ben moi, je me suis dit, il n'y a pas de fumée sans feu. 2-3 téléphones m'ont amené samedi à dire, c'est presque dans le sac. Rappelons-nous un écrit dans le quotidien il y a quelques 10 jours, le maire ne disait pas non, parlait d'un budget potentiel de 500 000, voulait avoir des investisseurs pour 300 000, donc ça me faisait dire que les démarches allaient bien. Et depuis, et l'entrevue que tu as fait avec le maire hier, ne dénie pas du tout tout cela. Cependant, on sait que ça se joue à huis clos, on sait que connaissant les gens dans la Ligue nord-américaine, on veut pas trop que les journalistes en sachent avant le temps. Et aussi, on sait que le 14 mai est une date butoir où au lendemain de la finale de la Ligue, on va se réunir. Oui. Et là, on va dire, on revient ou on revient-tu pas? Pour l'instant, on sait que Sorel a déjà annoncé ses couleurs, Saint-Georges a annoncé ses couleurs et Jonquière. Dans le cas de Rivière-du-Loup et de Thetford, on veut attendre. Au 14 mai, on s'est dit, le commissaire a été trop vite de demander la semaine dernière parce que c'était pour s'assurer. Et c'était à la demande des deux nouvelles concessions à devenir que, s'ils venaient, ben, il fallait 8 clubs et non pas 6 ou 5. Oui. Donc, Thetford le 14 au soir et Rivière-du-Loup vont parler. Dans le cas de Tedford, on l'a entendu à la radio oui. de Tedford cette semaine, il demande ni plus ni moins le départ de Richard Martel, également du responsable des officiels Jim Chandick et du préfet de discipline Denis Leblanc, sinon ben il lève les feutres. Rivière-du-Loup a des demandes également et Trois-Rivières n'est toujours pas réglé. J'ai parlé aujourd'hui, avant d'être en onde avec toi, avec Étienne Boileau, le propriétaire, toujours en titre de Trois-Rivières, il ne demande pas mieux que M. Plan de sport, Yves Tremblay, puisse s'entendre cette semaine avec la ville de Trois-Rivières et il va lui remettre les clés et faire que l'équipe reste à Trois-Rivières et lui passe à autre chose, m'a même avoué qu'il avait déjà des avenues pour travailler dans le futur avec deux autres équipes de la Ligue nord-américaine comme associés. Donc, on en est là. Mais moi, je démarre pas en disant que Robert Vall et Burden, c'est presque fait, sauf qu'on veut savoir qu'est-ce qui arrive maintenant avec cette nouvelle venant de Tedford et aussi régler le problème de Trois-Rivières. Tu ne peux pas, Danny, accepter deux nouvelles équipes si tu en perds deux. Ben non, c'est clair, c'est clair. Mais là, écoute bien, là, là tu parles, on va parler de Robert Vall actuellement, là. Sincèrement, Gilles, sincèrement, là, tu connais-tu le marché de Robert Vall? Robert Vall ne peut pas être plus petit qu'était le marché de Windsor, et je l'ai fait vivre pendant un an, et on est allé en finale dans la Ligue face à Telford qu'on a perdu en six matchs. Mon bémol, pourquoi on a quitté Windsor, parce qu'il n'y avait que 802 bancs et il en fallait plus de 1100. Le 300 qui devait venir n'est jamais venu de ce qui avait été dit oui à l'époque des autorités de la ville de Windsor et on avait dû vendre en 2012 l'équipe à Cornwall. En écoutant le maire hier parler avec toi, c'est pas un problème l'amphithéâtre, c'est pas un problème pour, disons, les hommes d'affaires, c'est pas un problème, et j'ai aimé parce que tu lui as posé la question. Ce n'est pas l'histoire d'une seule ville comme Windsor ou Magog ou Sherbrooke ou nommons des petits marchés qui ont déjà eu la Ligue nord-américaine du temps qu'elle s'appelait semi-pro, Asbestos ou Acton Vale ou Waterloo ou Granby ou Saint-Hyacinthe ou même Saint-Jean. Vous avez une MRC et si les 7-8 villes travaillent ensemble, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Un budget d'opération est à peu près 750. On peut mettre 850 parce que, oui, c'est éloigné des grands centres, mettez un 100 000 de plus. Mais à 850 000 comme budget, cela veut dire que ça vous prend des ventes potentielles de commandites de 200, 225 000 $ en plus de 3, 350 billets de saison environ à 200, 225 $ et surtout 1000 spectateurs payants par match pour les matchs joués en saison régulière. Et comme il pourrait y avoir 8 équipes, et que toutes les équipes vont faire les séries, on peut se reprendre dans les séries. Moi, je pense que votre marché, avec la rivalité à devenir avec Jonquière, c'est impensable qu'il n'y ait pas 1000 spectateurs payants par match dans votre gradin à Robert Vall. Mais Gilles, écoute bien. Là. La traversée internationale, là, tu me parles de 225 000, tu as de l'air à penser que c'est facile. C'est facile à trouver. Là. Moi, je te dis que la traversée... Comment Sorel peut-il, Danny, aller chercher 300 000 petites villes autant que Robert Vall. Sorel est beaucoup plus gros. Trois-Rivières. Trois-Rivières. Oui, c'est 40 000. Écoute, je suis pas contre du tout. Je suis même content. Mais je me pose des grosses questions. Sorel, c'est quoi? C'est 40 000 de population? Non, Sorel est 25 000 et on parle de 15 000 pour Tracy, ce qui donne environ 40 000. Oui. Puis, oublie pas une chose, là. Trois-Rivières, là, c'est immense. Ils sont allés chercher, malgré tous les problèmes, 240 000 de commandites. C'est l'assistance qui a manqué. Robert Vall, c'est 12 000, Gilles. Différence. Oui, mais avec la MRC, vous allez chercher au moins 35 000, 40 000, 45 000, 50 000 de population. Là, ce que je veux dire, là, c'est que la traversée internationale du lac Saint-Jean, qui est enracinée, qui est une tradition dont les gens de Robert Vall sont fiers, peine à avoir 200 000 en commandite avec un président d'honneur fort. Là, tu arrives avec une équipe à 225 000 de commandite année après année. Tu sais, l'argent, là, au lac Saint-Jean, là, c'est encore plus pauvre qu'au Saguenay. L'économie vire pas rond. Moi, j'ai des gros doutes. Je suis bien content, mais j'ai des gros doutes. Par contre. Ça prend des hommes d'affaires solides qui veulent mettre les pieds à la roue. Ça prend les gouvernements qui peuvent aider avec leurs députés fédéraux et également provinciale, ça prend la MRC qui peut donner également des sous, et tout peut arriver. Ça dépend du pouvoir et du vouloir. Si Richard Martel a fait des démarches et qu'il croit en Robert Val, il y a certainement de l'aide qui vient également du Saguenay et qui vient de Jonquière, parce que ça fait une belle rivalité pour les deux équipes et les deux villes. Et il y a peut-être un atout. Bon, je sais que tu en rêves d'en parler. Tu avais hâte d'en parler. Oui, bon, OK, on en parle. OK. Et là, quand tu parles, on a un président fort qui est connu pour la traversée. Mais moi, je me dis que l'homme clé qui peut vendre le hockey à Robert Val et amener une équipe solide et amener des joueurs également, ben, il est dans votre cour et il s'appelle Richard Martel. Et moi, c'est un scénario digne d'Hollywood, tu vas me dire, mais je sais que le 2 juin est la date butoir pour le gouvernement Trudeau pour annoncer des élections partielles. C'est dans un mois demain. Ça fait 5 mois qu'il dit pas un mot, M. Trudeau. M. Trudeau a d'autres choix à fouetter à travers le monde que de faire tenir une élection partielle dans le fjord au Saguenay, parce qu'il sait aussi en même temps que dans 16 mois, il va y avoir la vraie élection. Ouais. Élection fédérale annuelle, octobre 2019. Donc, s'il n'y a pas d'élection annoncée le 2 juin, et si M. Martel, son contrat d'un an qui se termine avec la fin du mois de mai, n'est pas renouvelé pour toutes les raisons plausibles. Moi, je m'appelle Richard Martel. J'ai besoin de gagner ma vie. Ben j'ai besoin de sous. Ben, je ferai un maudit bon directeur général et entraîneur de la nouvelle concession de Robert Lal. Et là, je viendrai animer les foules au Saguenay, puis t'as le lac, et ça ferait du papier pour les médias. Tu serais le premier à l'avoir en nom toutes les semaines. Et il vendrait le hockey. Parce que, sans rien enlever à Richard Martel, comme commissaire, il a bien travaillé. Il a amené la Web Télé. Il a amené la Radio de Montréal. Il a amené possiblement 2, peut-être 3 concessions, qui sait si ça se réalise avec même Granby. Et Richard Martel a aidé beaucoup au niveau ce que l'on appelle commanditaire également. 4-5 nouveaux. On n'en avait pas eu depuis 10 ans. Ouais. Mais Richard Martel, c'est un coach dans l'âme. C'est un DG dans l'âme. Et je pense que Richard Martel, pour moi, mon expérience me dit qu'il est mieux derrière un banc et dans un bureau à faire des transactions qu'à jouer au commissaire, parce que n'importe qui peut être commissaire, et je défie n'importe qui d'aller commissaire demain matin. Ils vont s'apercevoir que c'est pas si facile que ça, parce que tu as des propriétaires qui, des fois, et encore en 2018, ne pensent pas à la Ligue, mais pensent à eux, à leur poche et à leur équipe. Et Richard Martel, en 2 cafés, pas en ondes, te dirait, mon cher Danny, c'était le fun, mais ça n'a pas été facile, parce que des fois, il n'écoute pas. Puis s'il y a un gars qui aurait pu écouter, ben c'est lui. Fait que moi, je pense que Richard Martel, s'il a la chance là de revenir derrière un banc puis d'être DG d'une équipe, moi, je pense qu'il va être bon là-dedans. C'est mon humble point de vue bien personnel. C'est, on a le droit. Puis c'est ça qui est le fun. C'est sain de se questionner. On ne peut pas toujours être de la même d'accord. Mais Richard Martel, ce serait du bonbon. Puis une chose qu'on n'a pas parlé, c'est des joueurs. Parce que ça, c'est un... Ben, les joueurs, là, premièrement... Ouais. Tu vas avoir un repêchage. Oui, mais ils vont-tu vouloir venir à Robert Val? Ben oui, ils vont y aller. Regarde, s'ils ont été capables d'aller à Rivière-du-Loup et s'ils sont capables d'aller à Jonquière, il s'agit de bien les encadrer. Il s'agit d'avoir un hôtelier comme au Saguenay, d'avoir un restaurateur comme au Saguenay, d'avoir des commanditaires pour les pertes d'IM d'essence. Puis à ce moment-là, c'est magique. Puis s'il arrive Robert Val, ben, connaissant l'engouement du vendredi soir pour Jonquière, ben, l'équipe Sorel, par exemple, va aller jouer le vendredi soir à Jonquière, va coucher à Jonquière ou va aller coucher à Robert Val, va jouer le samedi soir et va revenir après. Donc, les deux équipes du Saguenay peuvent s'entendre pour payer le coucher. Et ça va être demandé par la Ligue. C'est peut-être déjà demandé dans le cahier de charge pour une équipe de ce coin-là. Comme ce serait la même chose l'an prochain, si Berlin arrive, d'être demandé d'avoir les Weston au Maine, et d'avoir les Weston le vendredi soir et le samedi Berlin, parce que Berlin joue habituellement le samedi, comme quand il était dans la Ligue fédérale américaine. Bon. Et c'est la même chose. Et en plus, ce qui aurait le fun, c'est que tu aurais, par exemple, Robert Val avec Jonquière, avec Rivière-du-Loup, et possiblement soit Thetford ou Saint-Georges, dans un 4 clubs dans une division. Et ces clubs-là joueraient 4 fois à la maison et 4 sur la route, et seulement 2 fois ailleurs. Donc, pour une première fois, tu aurais moins de voyagements, tu sauverais des sous. Alors qu'actuellement, si Robert Val s'amène, exemple, et remplace Trois-Rivières, et on joue à 6 clubs, ça va être exorbitant comme coût. Donc, vaut mieux deux nouvelles équipes et avoir deux divisions de quatre. Ouais. Et huit clubs l'an prochain pour les séries. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est ce que je pense qui va se faire. Parce qu'il y a des gars qui connaissent assez ça à la Ligue pour penser la même chose que moi, je peux penser. OK, OK. Donc, on va surveiller ça de près, parce que là, c'est... Écoute, la date butoir, ça va être quand? Parce que là, on est tard. Là. J'imagine que les heures de glace doivent se négocier. On est dans la date butoir, c'est quoi? C'est quand, d'après toi, pour que Robert Valle... Ben moi, je pense que la date butoir est toujours avec les assises annuelles, les 7, 8 et 9 juin. Et ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais déjà, hier, le maire t'a dit en entrevue, ouais, j'ai remis ça dans les mains de mon directeur des loisirs. Ouais. Sache que le directeur des loisirs a déjà réservé des heures de glace. Premièrement, ils s'entraîneront jamais à Robert Valle, comme ils ne s'entraînent jamais la semaine, le mercredi, du côté de Jonquière. Donc, ils ne jouent qu'un match par semaine. Donc, on a besoin d'un 4 heures de glace, soit défini un vendredi soir ou un samedi soir. Donc, c'est déjà coulé dans le béton qu'on a déjà réservé ces 4 heures de glace, sans nuire au patinage artistique ou au patinage de vitesse ou au hockey ou ligue de garage ou hockey mineur. Donc, ça, c'est déjà acquis. Ça, il n'y a aucun problème du côté de Robert Valle, j'en suis sûr. Phil Desgagnés en parlait dans le quotidien. Ouais. Ce matin, on sait que Michel Tifot le pense également. Moi aussi, je le pense. Tu le penses aussi. On est quatre hommes de médias, de radio. On pense tous la même chose. Richard Martel serait la clé du succès pour Robert Valle. C'est clair. Mais là, attendons, parce qu'il y a le si élection et il y a le si commissaire. Mais s'il se retrouve qu'il n'y a pas d'élection et qu'il n'est plus commissaire... Ben, go, go, go! Moi, être le premier. J'étais le premier à l'annoncer à toi l'an passé que je voyais Richard Martel commissaire. Moi, être le premier à dire Richard Martel comme DG entraîneur de la nouvelle équipe de Robert Valle. Et on y va. Mais il n'y a pas une loi qui existe, Gilles, que Trudeau. Moi, parce que là, des rumeurs qui circulent que ça pourrait être le 2 juin, le déclenchement d'élection, pour une élection en juillet. Il n'y a pas une loi qui existe. Il y a le droit. Ouais. Oui. Il y a le 6 mois. Et le 6 mois se termine le 2 juin. Ouais. Si le 2 juin, il n'a pas annoncé, si le 3 matin, il n'y a pas d'élection annoncée, bien, il n'y en aura pas. Il va attendre strictement à l'automne. Parce que là, ça vient... Écoute, en principe, là, quand le monsieur a quitté en novembre, si Trudeau avait voulu avoir une élection partielle, tout de suite, janvier-février, il l'annonce. Ouais. Parce qu'il aurait donné un an et demi. Et là, écoute, si tu l'annonces le 2 juin, puis tu as 33 jours pour la faire, puis ça va à la mi-juillet... Écoute, là, il va rester, là, à août, septembre, il va rester 15 mois. C'est ridicule. C'est ridicule. Parce que t'en tiens un autre dans 15 mois. Moi, je pense que il devrait l'absurde. Et même ceux qui sont près de la politique au Saguenay disent de plus en plus, ça sent qu'il n'y en aura pas. Mais s'il n'y en a pas, puis si Richard n'a pas de poste de commissaire pour l'an 2, ben, moi, je me dis, regarde, fonce dans l'hockey, mon chum. T'es bon là-dedans, puis t'es un méchant bon vendeur. Moi, je serais le premier comme gérant d'artiste à dire, Richard Martel, viens-t'en, puis je vais aller te signer, moi, Robert Valle. Puis s'ils veulent pas de toi là, ben, s'il arrive Green Bay, moi, aller te signer à Green Bay. Voilà, c'est ça. Vrai. Parce que c'est un gars que je vois très bien dans cette ligue. Il a une bonne approche. Il connaît le produit. Puis surtout pour les médias, c'est du bonbon. Il est vendeur. Effectivement. Ben, Gilles, merci. On va surveiller ça de très près. J'aurais voulu te parler de la finale, mais tu comprendras que c'est... On a du temps, parce que je me dis que ça va aller en 6 ou en 7. T'as encore 2 semaines, mon ami. J'aurais voulu te parler de l'histoire des joueurs pour payer Trois-Rivières, mais tu comprendras qu'avec c'est la grosse histoire... En passant, je peux t'apprendre un scoop. Ils ont été payés hier soir. Okay, ils ont été payés. Donc, c'est une bonne affaire. Ça. La Ligue nord-américaine a remis le 25 000 $ de bons de garantie qui appartenait à Étienne Boileau, et il a payé hier soir ses joueurs. C'est lui-même qui me l'a confirmé ce matin. OK. Ben Gilles, on se reparle. Donc, tout le monde est payé. On se reparle, puis surveille ça de très, très près, puis on va t'écouter samedi soir incognito en cachette pour voir si t'as pas d'autres coups à sortir. On va tenter de t'en donner des bons encore une fois. Ouais. Merci. Gilles Pelletier, de la Ligue nord-américaine.